va se passer à l'Olympia, à Paris. Non, je crois pas, non. Ça sera à la Braderie de Lille, porte de Paris. Avec des invités internationaux comme Johnny. Non, pas du tout. Des invités du coin, on se la joue locale. Venez voir Radio Campus les 2 et 3 septembre. Ça, d'accord. De la radio non-stop pendant la Braderie. Non. On sera là le samedi 10h-21h et le dimanche 10h-17h. Des émissions non spéciales, en direct, dans une belle uniformité. Non. Radio Campus 106,6. Nous, c'est le foutu mélange. Je peux quand même appuyer sur le bouton stop. Non. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Nous sommes le 19 août et vous écoutez Angle d'attaque puisqu'il est midi. Attaque a doté AC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. En ces temps de canicule, une émission spéciale aujourd'hui. Et pour vous servir, nous sommes deux. Florent, maître du temps plus que jamais puisqu'on va passer de nombreuses chansons aujourd'hui. Et Christian, comme d'habitude, au micro et qui sera aussi l'intervieweur, sans doute avec Florent. De quoi parlons-nous ce jour-là ? Eh bien, de la des politiques du rock. Ça fait un peu récré vu comme ça, mais en fait, c'est très sérieux. Et nous avons un invité particulièrement féru de rock, puisqu'il s'agit de Didier Delinotte, qui est aussi à l'occasion intervieweur de l'émission réputée Angle d'attaque. L'étiquette de l'émission étant ce qu'elle est, bonjour Didier Delinotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bien naturel. Didier Delinotte est l'auteur de « Les politiques du rock », paru en mai 2023 au Camion Blanc, éditeur infatigable, le Camion Blanc, qui se nomme « Véhicule de tout ce qui s'écrit en français sur le rock », toujours avec des couvertures soignées, ces bouquins, il faut même le dire. Et puis, et c'est le cas aussi pour les 16 bouquins du même Delinotte, depuis seulement 2014. On va évoquer quelques-uns de ces bouquins au cours de l'émission. Dois être content, ton éditeur. En fait, tu dois faire fortune avec ces... Je produis beaucoup et bon, apparemment, ils ne doivent pas avoir à s'en plaindre puisque la recette est maigre en ce qui me concerne. Bon, non, c'est lui qui doit faire du pognon, en principe. C'est lui qui fume les cigares. Bon, allez, parlons émission. Je dois dire à mon corps défendant que j'ai découvert tard tes écrits sur le rock. Grâce à ton blog passionchronique.fr, alors je dis passion chronique tout collé, comme on dit, au pluriel, les passions et les chroniques.fr. Allez vous retrouver après l'émission Didier Delinotte sur son blog. Sans vraiment comprendre, de toute façon, sur le rock, je ne comprends pas grand-chose, mais coup de bol, avec ce dernier bouquin, on parle de politique, et c'est plutôt, ça me parle, les politiques. Donc, moi, ça me plaisait bien, cette histoire, ce bouquin. Donc, et puis, il y a même l'avant-dernier, donc de 2022, je crois, Rock and Foot, ça ne doit pas être mal non plus. Ça pourrait me parler. Bien, alors on va démarrer par une première question, c'est la tradition. Pourquoi une somme de 800 pages sur les politiques du rock, total respect, hein. Tu penses qu'il était temps de faire le point, de rendre justice à tous ces rockeurs et rockeuses des années 50, 60, 70 et 80 ? Enfin, c'est plutôt les années 60 et 70. Mon ambition à travers les 16 livres, donc 4 en collaboration dont tu parles, c'était quand même de faire revivre des figures du rock et de la pop qui ont été quand même un peu oubliées, sinon galvaudées. Donc, faire le lien entre rock et politique, ça permettait aussi d'entrer dans cette matière-là d'une façon un peu biaisé, un peu peut-être biscornu, mais enfin il y a quand même eu un rôle politique éminent dans le rock de ces années-là, en 60-70. Particulièrement aux États-Unis. États-Unis, surtout. En Angleterre, en fait. Bien, on va commencer par l'histoire et on va passer du Woody Guthrie. Donc, on en dira un mot, on va simplement rappeler ce que c'est Woody Guthrie. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Oui, donc Woody Guthrie, c'est le père de ce qu'on a appelé la Potesse Song, c'est-à-dire des chansons de révolte et des chansons de lutte. Et Woody Guthrie avec Johnny Cash et un certain nombre, c'était quand même des pères de ce qu'on a appelé la country and western. Et la country and western avec le blues de Chicago, ça a donné dans les années 50 le rock and roll. Donc c'est pour ça que Woody Guthrie est important dans ce cadre-là. Et on peut parler aussi de quelqu'un comme Joe Hill, qui était un syndicaliste, qui est aussi John Baez, chante justement une chanson sur lui au Festival de Woodstock. Enfin, c'est des gens qui ont compté beaucoup pour la politisation de la musique en général. Ok, et d'ailleurs on va passer sur un de ses fils spirituels assez vite, avec Bob Dylan évidemment. Bob Dylan, qui lui se réclamait de Woody Guthrie. There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property, but on the back side. Et effectivement, oui, Bob Dylan qui se réclame de Woody Guthrie. Ballad of the Thin Man. Ballade of a Thin Man, oui, ça peut vouloir dire la balade d'un homme mince. En fait, c'est dans le refrain, il dit il y a quelque chose qui se passe ici et tu vois vraiment pas ce que c'est. Donc, n'est-ce pas Mr. Jones représentant l'Américain qui s'est un peu laissé abuser par le rêve américain et qui est complètement dans le conformisme et dans le mode de vie américain, sans se poser de questions sur ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire l'envoi des troupes au Vietnam, la lutte pour les droits civiques et tout ce qui a enflammé l'Amérique des années 60. Oui, effectivement, il parle du chat du monsieur, d'ailleurs. Il lui demande s'il n'a pas les yeux dans les poches. Il ne voit rien, effectivement. On ne peut pas citer... Bob Dylan, sans citer Woody Guthrie, on l'a déjà dit, mais aussi comment il a été brocardé lorsqu'il a quitté sa guitare sèche pour utiliser l'électrique et tout le matériel qui va avec. Ouais, c'est le fameux festival de Newport en 65 où les puristes folk ont commencé à l'assaillir d'injures parce que Dylan avait électrifié sa guitare et que bon, il était passé du folk au folk rock. Ok, on continue de l'écouter un peu. Peut-être à Buffalo Springfield, alors que je connais pas du tout. De quoi s'agit-il? Qui est-il et que fait-il cet homme? Buffalo Springfield, c'est un groupe donc qui s'est basé à Los Angeles. Et c'était un groupe qui comportait notamment des musiciens comme le Canadien Neil Young, bien connu, et Steve Stills notamment. Et l'intérêt du Buffalo Springfield, c'est qu'ils ont fait, des disques super, mais une chanson notamment leur premier 45 tours qui s'appelle For What It's Worth, et ça raconte justement les commerçants et la police de Los Angeles voulaient faire évacuer les trottoirs de Sunset Strip qui étaient occupés par les hippies à l'époque, donc parce que ça gênait un peu le commerce. Et il y a eu une descente de police donc dans un bar qui s'appelle le Pandora's Box. Et c'est une bataille rangée qui a duré 3 jours et 3 nuits. Donc il y a un film qui parle de ça, c'est Wyatt on Sunset Strip. Et le Buffalo Springfield parle de ça. Pour beaucoup de gens, ça a été la naissance de la... non seulement du mouvement hippie, mais de l'intrusion de la politique dans le rock. Et donc le Buffalo Springfield parle de ça sur cette chanson qui raconte un peu cette première épopée du mouvement hippie. On n'est pas un peu vite là par rapport à... On est déjà passé Guthrie... Disons qu'on a aussi... on a peut-être raté la transition qui va de la protest song au folk song avec des gens comme, on l'a dit, John Baez, Bob Dylan. Et il y a eu, en Angleterre, évidemment, ça a été l'ébullition avec ce qu'on a appelé le Merseybeat et les Beatles et le Swinging London. Et on retourne aux USA avec le folk rock et les Byrds notamment, qui se voulaient une réplique américaine à l'invasion britannique. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né après le mouvement hippie et l'acid rock et le psychédélisme. Ah, ok. Bien. Alors, on va passer effectivement... à une autre chanson. Mais moi, alors, ce qui me semblait assez impertinent à dire, c'est que les luttes aux États-Unis sont une lutte de jeunes, plutôt révoltés. On vient de l'entendre avec Dylan d'abord, oui. Et puis, on va l'entendre d'une certaine façon aussi, parce que la police qui est mobilisée contre les hippies, c'est pas les plus âgés non plus, les hippies. Et donc, on est plutôt, enfin, je crois que tu le dis quelque part, on est plutôt dans une, politiquement, dans un point de lutte de classe d'âge plutôt que de lutte de classe. Oui, c'est sûr. De classe d'âge, parce que c'est quand même, il y a toute une remise en question de l'Amérique telle qu'elle est, enfin, telle qu'elle est depuis les années 50, c'est-à-dire quand même une Amérique qui est polarisée sur le danger nucléaire, sur l'Amérique de la guerre froide, l'Amérique de la guerre tout court, de l'impérialisme, et contre ça, enfin, c'est pas spécialement des luttes ouvrières qui se passent à ce moment-là, c'est plutôt des, comme tu le dis, des luttes de classe d'âge avec une jeunesse qui se mobilise contre une société dont ils ne veulent plus. Oui, c'est ça. C'est ce qui est le plus frappant lorsqu'on regarde du côté européen et du côté français en particulier. Les classes moyennes ne sont pas critiquées, alors que là, c'est une critique virulente des classes moyennes. Dans le Ballad of the Thin Man, regardez ce con, avec ses yeux dans les poches, il ne voit même pas ce qui se passe autour de lui. En c'est gros, ça. C'est, Ok, donc on va pouvoir continuer avec Sam Cooke, c'est ça? Sam Cooke. Donc Sam Cooke, c'est un chanteur de Rhythm & Blues, enfin, l'un des pionniers du Rhythm & Blues. Et c'est donc quelqu'un qui a été l'un des premiers à parler justement des droits civiques et du combat des Noirs américains, donc avec les grandes figures que sont Martin Luther King, et quelques autres. Bon, on peut parler aussi de Malcolm X qui était beaucoup plus radical. Et la chanson « Change is gonna come », c'est justement un appel à tout ce qui va survenir en 64 avec les premiers textes sur les droits civiques. Et c'est une belle chanson qui résume un peu les espoirs de la communauté noire. Oui, alors effectivement, alors, moi j'ai entendu un crooner, là. J'ai jamais entendu parler de Sam Cooke. C'est une voix magnifique. C'est une grande voix, et il est mort dans des circonstances tragiques puisqu'il a été assassiné par une femme dans un motel en Californie en 65. Les fins tragiques des rockers, c'était... Ah oui, ouais. Comme disait l'autre à Télécom, ça commence à faire saison. Bien, donc on va écouter Sam. Keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. And I said, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know alors là, on est dans un, comment dire, dans une modalité qui n'est pas du tout rock'n'roll, qui est véritablement blues, avec violon, des cuivres également. Ouais. Enfin, c'est un. Comment ça se passe? Comment son succès s'est fait? Je veux dire, par rapport à tout ce qui existe autour de lui, apparemment. C'est quelle année, ça? Bah, Sam Cooke, c'est Long Time Coming, donc c'est les années 63-64. D'accord. Et la chanson a été reprise d'ailleurs avec plus de popularité par Otis Redding. Ok. Mais le succès d'un Sam Cooke, bon, d'abord, il a signé chez RCA, qui était un grand label de l'époque, mais bon. Elvis Presley, par exemple. Le label de Presley, par exemple, ouais. Mais les rockers ont toujours été fortement, notamment en Angleterre, influencés par le blues et le rhythm and blues. Et des gens comme Sam Cooke et avant eux, des gens comme Jackie Wilson ou les hurleurs, ce qu'on a appelé les hurleurs du rhythm and blues, ont toujours influencé beaucoup la pop, notamment la pop anglaise, mais aussi américaine. Mais Sam Cooke est américain. Sam Cooke est américain, oui. D'accord. Bon, enfin, j'ai ressenti vraiment des trucs type Frank Sinatra, Mel Tormé. Oui, il y a un côté dans le rhythm and blues et après dans la soul music, parce qu'on peut dire qu'à partir de 66, c'est la soul music avec des nouvelles techniques d'enregistrement. Mais bon, c'est quand même très inspiré par la chanson populaire, quoi. Pour ne pas dire avec des inflexions parfois un peu crooner. Voilà, c'est ça. Oui, c'est en tout cas comme ça que j'ai perçu ce Sam Cooke que je vois pour la première fois. J'entends pour la première fois, pardon. Pas j'entends parce que j'ai préparé l'émission quand même. voilà. Donc, on va aller sur un autre rythme beaucoup plus rock, du coup. Avec les Kings, un mot des Kings avant d'en lancer quoi que ce soit. Bon, les Kings, j'ai toujours une tendresse particulière pour les Kings. Bon, c'est un groupe de ce qu'on a appelé le British Beat ou le Swinging London. Eux sont de Londres, donc du quartier nord de Londres. Mm-hmm. Et par rapport aux Rolling Stones et aux Beatles, enfin, c'était un peu les trois qui faisaient la course en tête, quoi. Les Kings avaient cette particularité d'avoir déjà un discours assez politique avec un discours de classe. Et bon, c'était quand même une famille nombreuse de Prolo, de Mashwell Hill, un quartier un peu déshérité, ce quartier du club d'Arsenal, par exemple. Et les Kings avaient justement cette ironie, cette nostalgie aussi qui a fait tout leur charme. Et là, All Respected Man, c'est une chanson qui parle donc de l'homme. C'est un peu le pendant anglais de Ballad of a Thin Man de Dylan. Ouais. All Respected Man, c'est l'anglais typique qui est nostalgique de l'Empire britannique, qui prend son thé à 5 heures, qui prend son bus, enfin qui mène une vie complètement plate et sans aspérité. Mm-hmm. Et c'est une caricature, c'est un peu la bruyère de la pop musique, Ray Davies et les Kings. Voilà, j'avais la traduction là sous les yeux, là, parce qu'il se lève le matin, il va travailler à 9h, il rentre à 5h30, obtient le même train à chaque fois parce que son monde est construit autour de la ponctualité, il n'échoue jamais. Il est aussi bon, il est aussi bien, il est aussi sain. Et puis dans son corps, dans son esprit, c'est un homme très respecté dans la ville. Il fait les meilleures choses de manière conservatrice. Ouais. Alors le plus drôle, c'est le suivant. Et sa mère va aux réunions pendant que son père tire la bonne. Voilà. Ouais, on s'aperçoit que c'est un peu la famille tuyau de poêle sous des dehors très respectables. Et elle remue le thé avec les conseillers en discutant des commerces extérieurs. Enfin, c'est vraiment très très chouette. On écoute les Kings, Florent. Faut préciser que les Kings, en plus, c'était l'un des premiers groupes qui a vraiment parlé d'écologie avec un album qui s'appelle Village Green, Preservation Society, en 1968. Et de plus en plus, ils ont quitté les formes traditionnelles de la pop music pour faire ce qu'on appelle, ils ont fait leurs opéras, ils ont fait du théâtre, un peu dans la tradition du théâtre élisabétain, de Marlowe, de ceux qui ont suivi Shakespeare. Et c'est en cela que c'est un groupe vraiment original, vraiment intéressant. Oui, tellement intéressant que tu as écrit un bouquin avec Jacques Vincent. C'est le premier, oui. C'est le premier, Histoire d'une nostalgie chronique. J'aime bien les sous-titres, généralement, tes bouquins sont assez soignés, de fait. Donc ça, c'était en 2016, pour ceux qui veulent y jeter un œil, c'est au Camion Blanc. Nous sommes donc avec les Kings. Alors, tu as parlé des Stones et puis des Beatles, là. On ne peut pas dire que ce soit des politiques, eux. Déjà, on a franchi la mare aux harengs, on est du côté de l'Angleterre. On a franchi effectivement l'Atlantique, mais bon, disons que les Beatles comme les Stones ont été... Bon, ils ont choqué d'une certaine façon. Enfin, les Stones, c'était... Il y avait des grandes unes dans la presse populaire. Laisseriez-vous sortir votre fille avec un Rolling Stone? Enfin, c'était quand même des gens qui choquaient, disons, la bourgeoisie ou les classes moyennes anglaises. Mais leur discours n'était pas très politique, puisque c'était, pour les Stones, c'était surtout des reprises de classiques du blues et du rhythm and blues. Et pour les Beatles, bon, c'était un génie de la chanson populaire. Mais bon... ils se sont politisés à partir de, en gros, de 67-68, quand Brian Epstein, leur manager, est décédé. Mm-hmm. Et quand ils se sont un peu séparés, enfin, il y a eu un peu les quatre voix, quoi. De même que les Stones ont quand même ressenti cette vision politique avec à partir de 68 également, donc Jumpy Jack Flash, et surtout un morceau qui s'appelle Street Fighting Man, qui est quand même en plus il y avait un morceau qui s'appelait Sympathy for the Devil, qui sont là des morceaux très politiques, mais disons que ça vient un peu tardivement, quoi. D'accord. Mais les Beatles, c'est de ce côté-là, les Beatles ce sont... Bah, les Beatles sont pas... C'est mélodieux, généralement. C'est très mélodieux, mais c'est pas très politique. Bon, moi, je me souviens, il y a Brian Epstein, qui était leur manager, qui mm-hmm. disait une phrase qui est restée célèbre dans la pop music, qui disait, bon, vous n'êtes ni catholique, ni protestant, vous n'êtes ni travailliste, ni conservateur... Vous n'êtes ni Mods ni rocker, vous n'êtes ni supporter de Liverpool ou d'Everton, vous êtes les Beatles. C'est-à-dire que c'était très consensuel, en fait. D'accord, effectivement. En fait, ils étaient tout. Oui, ok. Alors, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On est dans les années Beatles, Kings. Bah, ils vont aller aux États-Unis, d'ailleurs. Les années Beatles, Kings, bon, le pendant américain, c'est le folk rock, hein, avec des gens comme Sonny and Cher. Bon, après, il y aura l'acid rock avec le Jefferson Airplane, le Grateful Dead, etc. Mais en Angleterre, c'est bon, en 65-66, c'est quand même là que ça se passe. C'est Londres qui est la capitale mondiale du rock avant, parce qu'il y aura toujours un incessant jeu entre les USA et l'Angleterre, une rivalité. Mais pour l'instant, les années 65-66, c'est vraiment les années des rockers et des mods, c'est les années du Thinking London, enfin tout ce qui vient de Londres. Il n'est bon bec que de Londres, comme dirait Villon, par exemple. Voilà, c'est quand même là que ça se passe. Ok. Et puis donc, on va faire une petite incursion. Je ne sais pas si c'est le bon moment, parce que moi, je ne m'y retrouve pas franchement dans les dates. Mais je crois que oui, quand même. Tu as un chapitre consacré aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ouais. Aux Pays-Bas, parce que c'est quand même... On souligne jamais assez le rôle qu'a joué Amsterdam, notamment pour la jeunesse européenne, parce que ouais. C'était un lieu de concert avec des lieux comme le Paradiso, la Malveig, qui s'appelle la laiterie, en fait, mm-hmm. et où toute la jeunesse occidentale avait rendez-vous à Amsterdam, parce que c'était quand même une ville assez... assez libre, avec des vélos blancs à disposition, avec toutes des infrastructures pour les jeunes, des transports quasiment gratuits, ça nous intéresse. Et donc, aux Pays-Bas, il y a eu des groupes comme les Outsiders ou Q65, qui n'ont pas été très connus, encore que le leader de Nirvana, Kurt Cobain, disait que les Outsiders étaient l'un de ses groupes favoris. Et la Hollande, c'était aussi les phénomènes Provo et Kabouter. Et les Provo, c'était des jeunes qui avaient décidé justement de se faire entendre. À un moment, ils siégeront au conseil municipal d'Amsterdam. Kabouters également. Mais les Kabouters, c'était des gens qui circulaient en péniche dans les canaux d'Amsterdam. Mais c'est une jeunesse vraiment révoltée. Enfin, à un moment, les Provo ont même... se sont revendiqués du situationnisme et De Bord n'en a pas voulu. C'était quand même une jeunesse révoltée et ça a été une forte inspiration pour 68, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Raoul Van Heugem, par exemple, était belge et a participé aussi, comme le dessinateur Willem, par exemple, qui a été à Charlie Hebdo, ont participé de cette aventure. Oui, alors moi j'avais vu surtout, ça m'avait frappé, comment veux-tu que je loupe un truc pareil, dans ton bouquin, page 191, les Kabouters, je crois qu'ils sont au conseil municipal, et ils ont un programme qu'on pourrait envier aujourd'hui. Quoi. Un programme qui pourrait être écrit par moult formations d'extrême gauche. Bon, les Kabouters, c'est pas des caboteurs comme on pourrait croire, c'est des lutins, enfin des espèces oui. d'elfes néerlandais. Quoi, hein, c'est ça, oui. Alors je lis ce qu'ils ont proposé. Les quatre qui étaient au conseil municipal, qui ne sont pas restés très longtemps, d'ailleurs, si je me souviens bien, dans les lectures. La réédition de l'opération bicyclette, donc il y avait déjà eu les vélos blancs dont tu viens de parler. Mmh. Alors là, ça doit être extraordinaire. C'est le classement des arbres en monument historique, on appelle Martine Aubry, un travail sérieux là-dessus. La légalisation des squats, pareil, même. La création d'un circuit de fermes et magasins bio, on est dans les années 60, début. L'autogestion progressive dans certaines structures de l'économie sociale et solidaire et l'accent mis sur la démocratie, la décentralisation, partout à travers des comités de quartier qu'ils animaient eux-mêmes d'ailleurs. Tout ça en 65-66, hein, c'est quand ouais. même... C'est quand même assez étonnant. On va revenir, alors, je dis pas de conneries, là. Là, on revient aux États-Unis avec Jefferson Airplane. Avec le Jefferson Airplane, donc là c'est vraiment l'explosion hippie, toute la... Une grande frange de la jeunesse quitte leur domicile du Midwest ou de la côte Est pour se rendre à San Francisco, ou qui est vraiment la mecque des hippies. Et donc, bon, ça vient pas de nulle part. C'est quand même basé sur les écrits et les expériences de gens comme Ken Kesey, Timothy Leary, qui ont expérimenté le LSD. Bon, c'est quand même important, l'acide lysurgique dans ce mouvement. Et bon, le mouvement hippie, c'est bon, l'amour libre, mais c'est aussi les philosophies orientales. C'est aussi l'abandon du consumérisme et le pacifisme, évidemment, la remise en question de la société américaine. Alors, le titre volontisme m'avait choqué parce que quand je traduisais des trucs pour le boulot, je savais que volontiers aux États-Unis, la traduction directe, c'est bénévole. Bénévole, oui. Donc, ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, volontaire, enfin, on peut bénévole, volontaire pour la Révolution, puisque c'est ce que dit la chanson, oui, volunteers for the USA. Enfin, c'est pour mener la Révolution qui va modifier en profondeur ce pays, quoi. Ouais, et donc le film, c'est Forrest Gump soundtrack, la bande originale de Forrest Gump. Donc Volunteers, Look What's Happening on the Street, Go to the Revolution, Go to Revolution, pardon. C'est ça, ouais. Hey, Help on the Street. On va écouter Jefferson Airplane, Florence, s'il te plaît. Voilà, c'était Volunteers de Jefferson Airplane. Alors, tu l'as dit, donc, on est à San Francisco. Là, on est à San Francisco en 67. Donc, c'est il y a le Fillmore, qui est un espèce de club où tous les groupes de San Francisco passent. Bon, c'est l'été de l'amour. C'est aussi en juin 67, c'est le Festival de Monterrey, donc qui sera... Pas Monterrey au Mexique, hein, c'est Monterrey dans le sud de la Californie, qui sera un espèce de répétition générale avant Woodstock. Et tous les groupes de cette scène, donc le Grateful Dead, Country Joe and the Fish, Moby Grape, etc., jouent souvent gratuitement dans des parcs de San Francisco pour une jeunesse qui vient là. Et tout va basculer à l'automne 67 où... malheureusement, il y aura des gros problèmes de santé dans cette jeunesse-là. Il y aura des gros problèmes de drogue aussi. Et finalement, ça va dériver jusqu'à en arriver à des situations extrêmes comme le festival d'Altamonte où il y a eu un mort en 69 ou alors l'épisode Sharon Tate, ce qu'on a connu sous le nom de la Manson Family. Oui, la Manson Family en effet. Donc effectivement, tu vas un peu vite. Donc San Francisco, c'est de ce côté-ci, c'est les petites fleurs dans les cheveux. En France, c'est... C'est l'amour libre. Il y a eu des caricatures. En France, c'était les deux chansons qui ont le plus marché à l'époque. C'était Let's Go to San Francisco et If You're Going to San Francisco. Avec les inévitables traductions de Johnny Hallyday. Bon, on est complètement passé à côté du phénomène. Enfin, si, ça dira quelque chose aux étudiants de mai 68 notamment. Mais c'est sûr que, vu le côté populaire, le mouvement hippie, c'était en gros des jeunes qui allaient se réfugier dans les arbres avec des fleurs dans les cheveux et qui n'avaient aucun discours politique. Oui, en fait, c'est une... Et là encore, j'insiste, c'est quand même quelque chose de non seulement jeune, mais très localisé, puisque San Francisco, Monterrey pour un festival, c'est toute une petite partie, j'imagine, que dans les Midwest aux États-Unis. C'est un phénomène très, très californien, mais de toute façon, les jeunes du Midwest, le jeune du Wisconsin ou du Michigan, s'il était vraiment intéressé par ces idées-là, il allait à San Francisco. C'est aussi là que ça faisait vraiment masse. Il n'y a pas le choix de toute façon, effectivement. Et la côte Est, il se passe quoi, quelque chose? La côte Est, justement, on va y venir. La côte Est, c'est intéressant parce que il y a une, à partir des années 67-68, il y a une remise en question des hippies qui sont considérés comme non-violents mais aussi apolitiques ou pas suffisamment politiques par des mouvements, justement, on va y venir, comme le MC5 par exemple, qui est le représentant des White Panthers, un mouvement radical créé par John Sinclair à Détroit, et aussi des mouvements comme ce qu'on a appelé les hippies, donc Y au lieu du H, qui se sont constitués à partir de groupes comme les Fugs, avec des théoriciens comme Ed Sanders, comme Jerry Rubin ou Abby Hoffman. Et là, c'est vraiment le New York qui se prend de passion pour la politique, et pour la politique, dans ce cas-là, de plus radicale. Alors, c'est le cas de Steppenwolf ? Steppenwolf, ça reste un groupe californien, mais lui de Los Angeles, et c'est un peu comme les Doors qui sont également de Los Angeles. Los Angeles, c'est quand même une métropole qui est beaucoup plus dure que San Francisco. Et ce sont des gens, justement, qui vont être très critiques vis-à-vis du mouvement un peu qu'on a qualifié par la suite de Baba Cool, du mouvement hippie, et qui, eux, voient les réalités américaines d'une façon un peu plus lucide. Et donc, ils proposent un rock beaucoup plus dur. On a parlé notamment des prémices du hard rock et du heavy metal avec un groupe comme Steppenwolf. Donc, on va écouter Monster de Steppenwolf. Donc, on est à Los Angeles. Et ça pourrait être du heavy metal, ça ? C'est un précurseur du heavy metal. Et la chanson, si on l'écoute bien, fait référence à toute l'histoire de l'Amérique, d'une façon, depuis le massacre des Indiens en passant par l'esclavage. Et c'est quand même une chanson extrêmement dure, extrêmement réaliste, avec des rythmes très, très rock, très saccadés. Once the religious, the hunted and weary, chasing the promise of freedom and hope, came to this country to build a new vision, far from the riches of kingdom and gold. Like the Christians, some would burn the witches. Later, some got slaves to gather riches, but still. Ties with the crown had been broken, westward and saddle and wagon it went, until the railroad linked ocean to ocean, many the lives which had come to an end. While we bullied, stole and bought a homeland, we began the slaughter of the red man, but still from near and far to seek America. She just patiently smiled. Donc, Steppenwolf comme intermède entre Volunteers et MC5. Ouais. Faut préciser quand même que... J'ai oublié de dire que tu avais écrit un bouquin sur... ça me revient pas. Sur le MC5. Sur le MC5, oui, c'est pas ce que je voulais dire. En collaboration avec Manuel Rabas. Voilà. Sur le MC5. Alors, vas-y, sur le MC5. Donc, on retourne en Angleterre. Bah, le MC5, non, c'est à Détroit, hein, c'est aux États-Unis. Je voudrais simplement dire un mot encore de Steppenwolf. C'est quand même le chanteur qui s'appelle John Kay, mais ce n'est pas son vrai nom. C'est un Allemand, et un Allemand de l'Est, hein, qui a franchi le mur. Hein. À une époque, avec sa mère, donc il a fui un peu les balles allemandes. Enfin, c'était 45, c'était avec une Allemagne qui vivait justement ses dernières, enfin, l'Allemagne hitlérienne qui vivait ses dernières heures. Et John Kay est allé s'installer au Canada avec sa mère. Et c'est de là, bon, il a appris l'anglais et il est devenu le chanteur de Steppenwolf. Maintenant, pour le MC5, c'est une histoire qui est quand même assez intéressante, puisque ça se passe à Détroit. Donc Détroit, c'est la ville de l'industrie automobile, de ce qu'on appelle les Big Three, hein, General Motors, Chrysler et Ford. Donc c'est la ville industrielle par excellence, et là-dedans il y a quand même des bourgeons de révolte avec des groupes comme le MC5. Il y aura aussi les Stooges qui sont connus avec Iggy Pop, mais le MC5 a un discours extrêmement politique puisque c'est le groupe phare des White Panthers, donc ils jouent dans un endroit qui s'appelle la Grande Ballroom de Détroit. Donc c'est l'émeute à chaque fois. Il y a des concerts quasiment tous les jours. Et bon, les gens de Elektra, la maison de disques Elektra, vont prêter l'oreille au MC5 et vont en faire l'un des groupes étendards de la révolte de la jeunesse américaine. Alors MC5, ça fait partie toujours de la collection de Linotte au camion blanc, avec un titre que j'ai bien aimé, MC5, une insurrection sonique. Une insurrection sonique, parce qu'il y a un musicien du MC5 qui s'appelle Fred Sonic Smith, justement. D'accord. C'est paru en 2021 au Camion Blanc, faut-il le dire. Alors, le MC5, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est du hard rock américain. Il y a quand même de l'inspiration Rolling Stones. Enfin, c'est pas... Ah, mais ils ont dit depuis le début qu'ils étaient très influencés par les Rolling Stones et les Who, notamment. Ouais. Ce qui se fait en Angleterre de plus dur, quand même, hein, musicalement. Mais ils sont aussi très influents. Ils ont des influences du free jazz. Ils sont passés sur scène à la Grande Ballroom avec Sun Ra, par exemple. Donc c'est un groupe qui est ouvert à toutes les musiques, mais à partir du moment où elles sont radicales, où elles sont dures, parce que c'est quand même des gens qui plaisantent pas, quoi. Oui. Alors effectivement, tu parles de Sun Ra, c'est un vrai bonheur pour moi, parce que j'ai entendu Sun Ra en public. Enfin, à Lille, là, bah oui, il se passait des choses quand même quelquefois. Et c'est absolument fantastique, quoi. Cette gaieté, cette fête qu'il a introduit au Palais des Sports à Lille avec ses musiciens. Enfin, c'était assez étonnant. Donc, mais le free jazz n'est peut-être pas vraiment le centre du rock. Non, j'en parle, mais bon, c'est pas exactement l'épicentre du rock non plus. Mais bon, c'est important pour la révolte et pour le côté politique. Alors, on va passer à quelque chose de plus cool, effectivement. On n'a pas passé Kick Ass the Jams, hein, quand même. On n'a pas passé Kick Ass the Jams, excuse-moi, oui. Surtout que celui-là, il est dur. We all gotta do no matter. Kick off the gym, motherfuckers. Kick off the gym, ce qui veut dire en gros lâcher la purée, quoi. Enfin, c'est quand même argotique et c'est vulgaire. Et séminal. Oui, bon. Ok, bon, on a bien compris que c'était très très révolté. Et puis après, il se sent bien. I feel pretty good, dit-il justement, après avoir balancé la purée. Bien, et donc, on va aller dans quelque chose d'un peu plus cool maintenant. Et on disait que l'absence d'orientation politique des Beatles, on peut le reprocher forcément d'ailleurs, hein, et puis la séparation avec John Lennon, qui va rencontrer Yoko Ono. Et là, on retourne... Non, on ne retourne pas, d'ailleurs c'est Liverpool, c'est New York. Enfin, ouais. Il la rencontre dans une galerie d'art, donc Lennon qui est à l'époque en 67, qui a tourné un film antimilitariste qui s'appelle How I Won the War, comment j'ai gagné la guerre, avec, qui est un film donc très intéressant de Ken. Et c'est à ce moment-là qu'il se politise et ça va devenir un guerrier de la paix, quoi. Il est toutes les manifestations... le film est de Richard Lester, ça me revient. Donc il est toutes les manifestations pacifistes. Il donne des concerts dans toute l'Europe et aux États-Unis. Il y aura le 45 tour Give Peace a Chance, donc, qui va sortir en 69. Et à partir de là, il fera ce qu'on appelle des bed-in, c'est-à-dire qu'il reste au lit dans des hôtels de luxe à Amsterdam ou à New York. Et il dit qu'il ne se relèvera plus tant que la guerre sera finie. Il y aura un grand slogan qui est « The war is over if you want it ». Mais bon, ça sera quand même critiqué par pas mal de gens qui estimeront que ça fait un peu contestation de luxe, quoi. Mais enfin, il va en tout cas. Après, il fera des chansons extrêmement politisées tout le long des années 70 jusqu'à sa mort. Oui, effectivement, « Imagine the people », ça a été dans toutes les classes. Maintenant, c'est traduit à l'école, c'est commenté. Effectivement, c'est... Et imagine, Lennon disait d'Imagine que c'était... en fait, les gens s'étaient laissés abuser. C'était simplement le manifeste du Parti communiste, mais avec du sucre. C'est joli. Je reparlerai à Marx. Donc, effectivement, on est dans une période de beaucoup plus cool. On écoute John Lennon, Florent. Pas besoin de traduire là. Le pouvoir au peuple. Quelle année, ça, Power of the People? Power to the People, c'est l'année 71. Et donc Lennon avait fait un morceau déjà qui s'appelait Revolution No. 9 sur le double album blanc. Mais là, c'était plutôt, il disait, en gros, si vous allez défiler avec le président Mao, c'est pas la peine de compter sur moi. Enfin, c'était plutôt quelque chose d'anti-gauchiste. Alors que là, avec Power to the People, c'est vraiment l'hymne. Enfin, c'est un truc qui a beaucoup compté dans les manifestations, dans les mobilisations. On n'en doute pas. Puis il y a l'orientation de Harrison sur quand même l'Asie. Harrison, c'était plus mystique, ésotérique. Ouais. Ça a été quand même un grand tiers-mondiste, puisqu'il a été à l'origine de concerts de soutien, notamment au Bangladesh, au début des 70. Bien, on va parler à quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, Jill Scott Aaron. Alors le titre, c'est magnifique, « The Revolution Will Not Be Televised ». Je sais pas comment on dit, fait. Tilly Vest. Tilly Vest, my friend. Donc, la révolution ne passera pas à la télévision, mon pote. Alors, qui c'est celui-là ? D'où il vient ? Jill Scott Heron, c'est un peu un mouvement un peu atypique. Il y avait un groupe qui s'appelait les Last Poets. Disons que moi, sur un chapitre, j'ai intitulé ça la Blaxploitation, bien que ce soit un mouvement plutôt cinématographique, avec des gens comme Melvin Van Peebles, par exemple. Mais bon, c'est issu quand même du mouvement Black Panther, c'est-à-dire un mouvement de politisation radicale des Noirs américains contre le système qui les opprime. Et bon, c'est aussi, dans le cas de Jill Scott Heron, l'un des précurseurs de ce qui va être les musiques plus modernes, du rap, du hip-hop, voire du slam, avec ce qu'on a appelé le spoken word, c'est-à-dire des paroles plus parlées que chantées. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Il n'y a pas eu seulement les Black Panthers, là on connaît Malcolm X, etc. Il y a les White Panthers et les MC5. Les White Panthers, oui. Les White Panthers se voulaient... à l'époque, c'était des Blancs qui auraient voulu prêter main forte aux Black Panthers. Et c'est un leader Black Panther, Huey Newton, le fondateur, qui leur avait dit « Si vous voulez faire quelque chose pour nous, appelez-vous les White Panthers, soyez les Panthères Blanches. » D'accord, voilà, c'est fait. Je suis content de te rappeler ça. Jill Scott Heron, c'est « The Revolution Will Be No Televised, My Friend ». Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of... C'est effectivement un rythme très différent, mais pas mal du tout, je trouve. Et là aussi, tu ne pourras pas rester à la maison, mon pote. Il va falloir que tu te remues. En gros, c'est ça. Ça ne sera pas télévisé. Oui, et tu ne seras pas télévisé, en effet. Bien, on arrive vers la fin avec les Sex Pistols, que tu loues, tu voues un culte particulier. Ah ouais, enfin les Sex Pistols, c'est un peu bon. Là, on franchit quand même des étapes. On aurait pu continuer un peu avec le mouvement Black. Enfin, même si quelqu'un comme Jimi Hendrix n'est jamais vraiment revendiqué de sa négritude. Mais disons qu'il y a eu des gens comme Sly and the Family Stone qui étaient vraiment engagés dans ce combat antiraciste et pour l'égalité des droits. Et après, il y a eu ce qu'on a appelé le rock décadent, mais qui n'est pas très politique, avec des gens comme David Bowie ou Roxy Music. Donc ça, c'est les années, en gros, 72-74. Et il y a eu un espèce d'affadissement général de la pop music, enfin, ce qu'on a appelé les dinosaures, avec des groupes comme Pink Floyd, comme Emerson Lake and Palmer, comme Yes, qui proposaient une musique pompeuse, grandiloquente et sans intérêt. Et c'est contre ça que s'est érigé justement le punk rock, avec en tête de gondole les Sex Pistols, qui n'étaient déjà pas très, pas des inconnus en 76, puisqu'ils ont fait un concert au Chalet du Lac dans le bois de Vincennes. Et les Sex Pistols, c'est des glandeurs londoniens emmenés par Johnny Rotten, hein, Johnny le pourri. Et ils squattaient dans un magasin de fringues qui s'appelait Sex, donc de Malcolm McLaren. Et petit à petit, sans savoir jouer des instruments, parce qu'on a beaucoup critiqué le free jazz, quoi, soi-disant que c'était des gens qui ne savaient pas jouer. Non. Et on a refait la même chose avec les punks en disant qu'ils ne savaient pas jouer trois accords de guitare. Eux, ils s'en foutaient. Leur musique, de toute façon, ce n'était pas de la virtuosité. C'était un retour aux sources du rock'n'roll. Et ça a donné notamment... il y a eu évidemment God Save the Queen. Mais il y a eu ça pour le jubilé de la reine, donc justement en 77. Mais il y a eu surtout ce fantastique Anarchy in the UK qui était plein de leur nihilisme et leur férocité et leur hargne. On va essayer d'écouter... Je suis un antéchrist, je suis un anarchiste, je sais ce que je veux obtenir, je veux détruire les passants. Et parce que je veux que la ville soit anarchiste, et l'anarchie pour le Royaume-Uni. Mmh. Les Sex Pistols n'ont pas duré longtemps, puisqu'ils se sont embourbés dans une tournée américaine en 78, où on les a invités au Brésil à voir l'auteur du hold-up du train postal, hein, dénommé Ronald Biggs. Enfin, c'est une histoire complètement folle. Et bon, après Johnny Rotten, son vrai nom John Hayden, est devenu une espèce de star de télé-réalité. Enfin, c'est une histoire qui est assez mal finie. Mais le punk avait quand même un versant plutôt social et plutôt politique, avec les Clash ou les Jams, même si les Pistols c'était plutôt nihiliste. Et on aura ensuite, après les Pistols et après le mouvement punk, il y aura la New Wave et il y aura ce qu'on a appelé le rock indé, avec des groupes qu'on n'a pas le temps de vous faire écouter, comme les Dead Kennedys, qui sont pas mal non plus. Oui, on s'est posé la question de faire une deuxième émission un jour. Il faut réfléchir. Voir une troisième. Voir une troisième. Compte tenu de ta science, qu'est-ce que tu peux écrire après celui-là, en fait? C'est la grande question. J'ai pas reçu de proposition, donc là je m'interroge. J'aimerais bien écrire sur quelqu'un de très peu connu qui s'appelle Kevin Coyne, qui était un espèce de, là aussi, d'anarchiste chantant, un espèce de Léo Ferré anglais, british, si on peut imaginer ça, mm-hmm. dans les années 70. Mais bon, il n'y a aucun auditeur qui voudra ça de toute façon. Bah, t'es optimiste. Enfin, y a des trucs que j'ai écrits, je me suis dit, comme Tim Buckley, que ça n'intéressait pas grand monde, mais bon, finalement, ça a été publié. Bon, ça se vend très peu, mais bon. C'est... En tout cas, Didier Delinotte, merci pour ce bouquin. Je conseille de lire, ou de feuilleter au moins, parce qu'on trouve plein de trucs qu'on ne connaît pas, forcément, enfin, surtout moi d'ailleurs. Mais c'est une richesse assez inouïe. À connaître, de toute façon, on peut passer du temps facilement et c'est très agréable. Je n'oublie pas de dire que, effectivement, Didier a une écriture très agréable. Merci Didier. Merci. Merci du compliment. Il n'y a pas de quoi. Allez. Bon week-end à tous, bonne fin de vacances si c'est le cas, et puis on se retrouve à la rentrée pour deux émissions en septembre. Prenez soin de vous. Au revoir.